cachez au moins, n'en prends pas deux. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai décidé de vous parler d'un album qui a déjà 33 ans. Je vais pas vous dévoiler l'artiste tout de suite. Son nom, tout simplement, c'est David Robert Jones. Donc voilà. Si ça peut vous donner l'eau à la bouche, c'est juste comme ça, juste avant de commencer ce backstage pendant une heure. Donc on va vous parler d'un album mythique d'une certaine personne que je vais dévoiler tout de suite après le premier titre qui s'appelle tout simplement le titre Modern Love. Et on se retrouve tout de suite après pour commencer et rentrer dans le vif du sujet. I catch a fever, boy, when things Eh bien, je crois que vous avez trouvé qui se cache derrière David Robert Jones. Eh bien, vous avez pu reconnaître à son timbre de voix quand même que c'est David Bowie. Et là, on a décidé dans Backstage donc de vous parler de cet album mythique qui est sorti en 1983, qui s'appelle tout simplement Let's Dance. Mais juste avant, on va, comme d'habitude, faire un petit peu une rétrospective de qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, qui descendent de Saturne, qui était David Bowie. Voilà. Donc... David Bowie, nom de scène, donc David Robert Jones, né le 8 janvier 1947 à Londres, dans le quartier de Brixton, est mort, lui, le 10 janvier 2016, ça va déjà faire un an, à New York, dans le quartier de Manhattan. Il était un musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur de disques et peintre et acteur anglais. On a pu notamment le voir dans le film Furio, ou alors aussi dans... Underground, donc en parenthèse Labyrinthe, avec Jennifer Connelly. Après des débuts hésitants entre folk et variété dans la deuxième moitié des années 1960 et un détour par le mime, il se fait connaître du public en juillet 1969 lorsque son titre Space Oddity entre dans le top 5 des meilleures ventes du Royaume-Uni. Mais c'est 3 ans plus tard, en 1972, que Bowie devient réellement une vedette par l'intermédiaire de son alter ego décadent Ziggy Stardust. Il s'impose alors, appuyé par le guitariste Mike Ronson, avec un glam rock sophistiqué et apocalyptique et des spectacles flamboyants. À cette époque, il produit et collabore aux carrières solo de Lou Reed et d'Iggy Pop, Monsieur Caméléon. Pendant le reste de la décennie, il s'intéresse aux musiques noires, R&B, soul et funk, puis à la musique électronique émergente, créant des mélanges nouveaux, notamment avec la complicité du producteur et musicien Brian Eno. Pour ce qu'on appellera la trilogie berlinoise, considérée comme un de ses sommets artistiques dans les années 1980. Il connaît, avec la sortie donc de Let's Dance, le plus grand succès commercial de sa carrière en 1983, devenant une vedette mondiale grand public en remplissant les stades avec une pop efficace. Mais finit la décennie avec un revirement complet en s'associant au groupe de garage rock Tin Machine, que je trouvais moi personnellement superbe. Dans les années 1990, il retourne à un style plus expérimental, intégrant les influences de musique contemporaine telles la techno et la drum and bass. Absent de la scène musicale à partir de 2004, David Bowie ne fait plus de tournée depuis le Reality Tour entre 2003 et 2004 et sa dernière prestation sur scène remonte à 2006. Il sort cependant un album en 2013, The Next Day, et son dernier album studio, Black Star, sort le 8 janvier 2016, 2 jours avant sa mort. Je continuerai cette petite histoire sur Bowie, mais juste avant, on va s'écouter un deuxième titre donc de cet album Let's Dance qui est sorti en 1983, donc je le répète, donc ça fait déjà 33 ans, on va s'écouter China Girl. Backstage, les coulisses du son. Stars crashing down. when I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Voilà donc, c'était le titre China Girl qui figure en deuxième position sur l'album donc Let's Dance, sorti en 1983 de David Bowie, Backstage, donc consacré à ce magnifique album que vous allez découvrir en long et en large. Alors, je continue cette petite rétrospective sur qui était Monsieur David Robert Jones, donc David Bowie. Durant plus de 5 décennies d'une carrière marquée par des changements fréquents de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales, il s'est imposé comme un des artistes musicaux les plus originaux, les plus importants et novateurs de la musique pop-rock, au point que de très nombreux artistes se sont réclamés de son influence. Il a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde. Il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1996. En 2004, le journal Rolling Stones le place en 39e place de son top 100 des meilleurs artistes de tous les temps et en 23e de sa liste des meilleurs chanteurs de tous les temps. Il a également mené en parallèle une carrière cinématographique. Son fils Duncan Jones est réalisateur de films. David Bowie aborde alors une nouvelle phase de sa carrière avec Let's Dance en 1983, produit par Nils Rogers, qui était un des membres de Chic. Cet album lui permet de toucher le grand public avec les clips de David Mêlée, largement diffusée sur MTV. Les ventes de Let's Dance sont massives et atteignent 14 millions d'exemplaires. L'album est le deuxième hit de l'année en 1983, juste derrière Thriller de Michael Jackson. La tournée mondiale The Serious Moonlight Tour le fait pour la première fois se produire dans les stades devant 150 000 personnes qui viennent le voir en 2 jours à Paris à l'hippodrome d'Auteuil. Multipliant les apparitions cinématographiques, dont notamment les Prédateurs, Furio, en 1986, il tient encore le rôle principal masculin, celui du roi des Goblins, Jarrett, dans le film familial Labyrinthe de James Hansen, aux côtés de la ravissante, et oui, Dieu sait comme elle est jolie, Jennifer Connelly, et de multiples marionnettes. Il signe également une partie de la bande originale de ce film que moi je vous invite à regarder. En plus, petite parenthèse, le film vient de ressortir en Blu-ray, Labyrinthe, que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins, qui est un bon film familial pour les loulous et même pour vous, adultes. Et la BO, elle est superbe. Voilà, c'est signé du Bowie, bien entendu. On va s'écouter le troisième titre et le titre éponyme de cet album, Let's Dance. Et je vous parlerai un petit peu aussi de qui est derrière la chanson Let's Dance. À la guitare, parce que si on se souvient bien, on voit le clip où Monsieur Bowie exécute un solo avec des gants blancs. Hein, si vous vous souvenez un peu, si vous vous remémorez de ce clip, eh ben, il s'agit d'une autre personne qui est derrière, derrière les rideaux pour exécuter ce solo. Voilà, on va s'écouter donc Let's Dance de David Bowie, donc titre éponyme de ce Backstage. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Voilà, c'était une version un peu spéciale de Let's Dance quand même. Donc, quand je vous disais la guitare, on n'a pas tellement entendu, elle n'était pas tellement présente sur cette version. Mais il s'agit bien entendu du grand guitariste défunt aussi, qui était Stevie Ray Vaughan. Un jour, je ferai aussi un backstage sur Stevie Ray Vaughan, qui était un grand, grand guitariste de blues. Voilà, on reprend. Et là, je vais vous parler un petit peu de la vie privée de David Bowie. Alors, David Bowie, en 2009, était avec son épouse Iman. David Bowie se marie en 1992 avec l'ancien mannequin Iman. Ils ont une fille qui s'appelle Alexandria Zara, surnommée Lexi Jones. Née en, le 15 août 2000, Jones est le nom de famille légale de David Bowie. Il est aussi le père de Duncan Jones, son fils de son précédent mariage avec Angela, alias Angie Barnett. Amateur d'art contemporain, Bowie collectionnait les œuvres, entre autres, de Peter Hounson et de Derek Bischier. Tout de suite après le titre qu'on va s'écouter, je vous parlerai d'une autre facette de David Bowie avant de vous parler un petit peu de ce fameux Let's Dance, l'album avec tous les musiciens qui sont derrière eux, parce que derrière Bowie, il y en a une panoplie quand même. Il avait une autre facette et il a quand même brisé le tabou en 72. Je vous parlerai du fameux tabou qu'il a brisé, qui en a choqué plus d'un à l'époque, mais tout le monde s'en doutait un petit peu. Je vous en parlerai tout de suite après le premier titre, le quatrième titre qu'on va s'écouter. Donc on va s'écouter Without You, extrait de l'album donc de Let's Dance, qui est sorti en 1983. Backstage, les coulisses du son. We'll be right back. Quatrième extrait de cet album Let's Dance, sorti en 1983 de David Bowie. C'était tout simplement Without You. Alors voilà, donc en 1972, pour sa David Bowie brise un tabou en janvier 1972, annonçant pardon, sa bisexualité dans une interview avec Melody Maker, à l'époque où il se réinvente en glam rocker et lance le personnage de Ziggy Stardust, interviewé par Playboy en septembre 1976. Il dit « C'est vrai, je suis bisexuel, mais je ne peux pas nier que cela m'ait aidé. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Bon, ça, c'est, je ne vais pas vous le faire en anglais, hein, j'ai la traduction en anglais. Bowie se distanciera lors d'une interview en 1983 avec le magazine Rolling Stone, disant que cette déclaration était sa plus grosse erreur. The biggest mistake I ever made. En 1993, il déclare être toujours dans le placard hétérosexuel, closet heterosexual, que son intérêt par la culture homosexuelle et bisexuelle était plus un produit du temps et de la situation que de ses propos sentiments. Ce n'était pas quelque chose avec lequel je me sentais à l'aise. Voilà, donc je continuerai un petit peu vous parler de ça. On va d'abord s'écouter un autre titre qui s'appelle tout simplement Ricochet de l'album Let's Dance de David Bowie. Et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Like weeds on a rock face, waiting for the side. Ricochet. Ricochet. The world is on a corner, waiting for jobs. Ricochet, ricochet. Turn the whole picture, saw they face the wall. Sound of thunder. Ricochet. Si on reconnaît pas la patte de Monsieur Stevie Ray Vaughan derrière la guitare, on peut aller voir un ORL parce que les oreilles en ont pris un coup. Alors voilà, donc Bowie exprime un avis différent dans une interview en 2002 avec Blender en réponse à la question « Vous avez une fois dit que vous étiez bisexuel, était la plus grosse erreur que vous ayez jamais faite. Le croyez-vous toujours ?» Intéressant qu'il a répondu avec une longue pause. Je ne pense pas que c'était une erreur pour l'Europe, mais c'était bien plus problématique en Amérique. Je n'ai eu aucun problème concernant le fait que les gens sachent que j'étais bisexuel, mais je n'avais aucune envie de tenir un drapeau ou d'être le représentant d'une quelconque groupe de personnes. Je savais que ce que je voulais être et savoir un auteur, compositeur et interprète, et je sentais que l'on me résumait désormais à cette bisexualité et pour très longtemps. L'Amérique est très puritaine et je pense que ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. La journaliste Wendy Legg publie en 2014 une biographie retraçant certains éléments de sa vie personnelle, notamment sa bisexualité, estimant que David Bowie n'est pas seulement une icône musicale, mais également une icône sexuelle d'avant-garde. Encore un titre qu'on va s'écouter, c'est Criminal World, extrait donc de cet album Let's Dance. Backstage, les coulisses du son. Thank you. Sixième extrait donc, Criminal World, extrait de l'album Let's Dance, donc backstage consacré à cet album de David Bowie qui a déjà 33 ans. Hein. Alors justement, Let's Dance, l'album de David Bowie, est sorti le 14 avril en 1983. Il a été enregistré en décembre 1982 au Hall Power Station à New York. La durée totale de l'album fait 39 minutes 41. Il faut savoir aussi qu'on peut rajouter à cela sur le CD, Under Pressure, un duo, bien entendu. Donc voilà, on pourra dire qu'il fait plus ou moins 45 minutes. Ce genre de musique, c'est du genre rock, pop rock, dance pop. Producteur, c'est Nile Rodgers, donc de Chic, et David Bowie. C'est sorti sur le label EMI. Et Let's Dance est le 15e album de David Bowie, paru en 1983, produit donc par Nile Rodgers, enregistré en 17 jours avec ses musiciens. Il s'agit du plus grand succès commercial de la carrière de l'artiste britannique numéro 1 dans de nombreux pays et dont les ventes estimées dépassent plus de 10 millions d'exemplaires, dont 854 800 rien qu'en France. Je vous parlerai des artistes qui figurent en guest sur cet album. Juste avant, on va s'écouter Cat People de cet album. Donc, c'est le 7e extrait de Let's Dance. Vous écoutez Backstage. Of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting up fire with gasoline. Voilà, septième titre donc, Cat People, extrait de l'album Let's Dance 1983, backstage consacré à cet album de David Bowie. Alors, dans les musiciens, bien entendu, on a David Bowie au chant, saxophone, guitare et clavier, Carmine Royas à la basse, Omar Hawkins et Tony Thompson à la batterie, Nile Rodgers à la guitare, Stevie Ray Vaughan guitare, Rob Sabino au clavier, Mac Goellon à la trompette, Robert Iron, Stan Harrison au saxophone ténor et à la flûte, Steve Elson saxophone baryton et à la flûte, Sammy Figueroa aux percussions, Frank Sims, George Sims, David Spinner au chœur, Bernard Edward basse sur Without You. On s'écoute encore un titre, c'est Shake It de ce fabuleux album qui touche tout doucement à sa fin. Backstage, les coulisses du son. Voilà. Alors, on va un peu résumer. Donc, sur cet album, on a le titre Modern Love, Shiny Girl, Let's Dance, Without You, Ricochet, Criminal World, Cat People, chez qui qu'on va s'écouter. Et si vous avez le CD, bah, vous avez un neuvième titre qui est Under Pressure. Donc, je vous rappelle, Backstage était consacré à l'album Let's Dance de David Bowie, sorti le 14 avril 1983 chez EMI. Voilà, on va se quitter. Nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau backstage. On verra bien avec quoi. On est à l'approche de Noël, donc peut-être une surprise, je sais pas, on verra bien. Allez, on se quitte donc nous avec le 9e titre qui est un bonus sur l'album, sur le CD, pas sur le vinyle. Et il s'agit de, bien entendu, de Under Pressure. Ciao, ciao les amis, et à bientôt. Vous écoutez Backstage.